conçu à bloc, motherfucker, moi juste proc. L'instru je braque, l'intru je traque, l'ennemi je narque. Qu'est-ce qui se passe? C'est le retour de Jolie, j'étais parti faire un petit tour dans l'espace, ouais, petite garce. C'est front typique, ça jalouse mais ça clique. Et ouais, c'est l'équipe que ça lance des pics dans les clips et les zics. Atmosphère électrique, ils veulent me rendre frénésique. Zic. Ouais, gros, t'es pas le boss. J't'ai vu que dans le bloc tenir la sacoche. Avec eux, tu t'accroches. T'es défauché, t'as vu que des trous dans ta poche. J'vois du Jack Miel Miel quand j'suis malheureux. Et j'regarde le ciel, ciel quand je fais des vœux. Ne me compare pas, je ne suis pas eux. J'fume mon bang bang le soir retardeux. Tout ça m'énerve ou ça me met les nerfs. Envie de faire des meurs dans le game pour ce nouveau millénaire. Mais la leur, mais te plains pas si revient chargé sur un tum-tum énervé à 2000 à l'heure. C'est qui c'est les vrais, c'est qu'il y a de la valeur. Mais c'est pas normal à chaque fois devant l'OPJ. La ressentir la chaleur, faut pas parler devant l'OPJ. Coup de pelle comme Totorina, nique la mère à Biagio, qu'à lâcher en Piagio. Ils font trop les gadio, la famille le sent chaud. Les petits reviennent d'un braco, ils ont tous le sang chaud. Moi j'aime les gens qui parlent pas qui en veulent. J'aime pas voir de poteaux tristes qui s'engueulent. Ça sort de toi la coupe à Ready to Wumble. On fait ça avec du coca et du clan Campbell. Ce n'est pas normal et si c'est gala tumble. Tu es là, tu fais le trou du cul quand tu s'emballes. Ouais, je sais, c'est dur de passer sa vie sans bol. Vive tout le temps dehors parce que ta vie est bancale. J'ai beau crier, un jour ou l'autre on va m'oublier. Faut des billets, chaque contrôle je suis trop killé. Je bloque devant la télé, pendant que CMC veulent mon buzz à la queue le le. Je protège à mort l'équipe comme à Kelele. Affronte des trucs de fou, je dirais même de félélé, de félélé. Je veux brasser, sans qu'on passe le bracelet. Quand tu vas le Brésil, je vois le malheur m'embrasser. Fais tes plans pour tes couilles, t'es capable. Si t'as rien accepte, pas jamais sucer les hauts placés. On veut ce qu'on a pas. C'est pour ça que mes potes se retrouvent dans ton appart. On veut ce qu'on a pas. C'est pour ça que mes potes se retrouvent dans ton appart. T'as vu, j'évacue, tout ça m'a pas plu. Léa, ce qui paraît, je m'en bats les couilles. Je veux pas en savoir plus, tu vas dans la bulle. En plus, t'as trop bavardé après la dépouille. Pourtant, je me mouille, mouille. Pas besoin de sécurité, je crois bien que personne peut arrêter les douilles, douilles, bang, bang, houille, houille. Dédicace à ce qui m'écoute, Marseille à Sarcelles. En mettant drôle des matchs, genoux sur la selle. Pour les vrais qui répondent, présents à l'appel. Pas pour ce qu'ils font semblant, me demande comment je m'appelle. Belle. La vie c'est solo, mon pote. Demande à solo, compote. J'dis trop de gros mots, j'm'emporte. Ou j'te mets un combo, peu importe. J'ai beau crier,